On va parler de football. C'est la période de recrutement. Grosse prise également du côté des Gaillards de Jonquière, un joueur qui était courtisé par plusieurs collèges. On parle avec François Laberge. Salut François. François, effectivement, est-ce que je me trompe en disant que c'est une grosse prise pour les Gaillards, ce joueur qui vient de Dolbeau Mistassini? Non, pour nous, Mathieu Delisle était où sur notre liste. C'est un joueur qui a un potentiel énorme, qui a encore du développement physique à faire dans son club, mais qui a vraiment un potentiel énorme. Donc, c'est un super bon kid, un étudiant exemplaire. C'est un jeune que je suis depuis 2 ans déjà avec avec Kevin et les Centurions. Donc pour nous, c'est une très grosse prise. Il répond à un besoin aussi parce que des joueurs de ligne, on n'en a pas à la tonne. Fait que on est vraiment content d'avoir acquis Mathieu qui est justement, comme tu le disais, qui hésitait entre 3 collèges. Donc de sortir gagnant de ce combat-là, on en est très fiers, très heureux. Comme je te dis, c'est un joueur qui a vraiment un potentiel incroyable et qu'on sera privilégié de pouvoir le développer et de travailler avec lui. OK. Dis-moi, parle-moi maintenant d'Alexandre Voisine, transfert. Alexandre Voisine qui évoluait, fait 3 ans qu'il évoluait avec Chicoutimi, qui s'en va à Jonquière. Deux ans. Ouais, qu'est-ce qui a motivé la situation du transfert d'Alexandre Voisine? Ben écoute, faudrait lui demander exactement à lui de ce qu'il m'a parlé, parce que je sais qu'il reste dans le même programme d'études, il est en comptabilité gestion. Lui de ce qu'il m'a parlé, c'est que tu sais, il était plus ou moins heureux à Chicoutimi, puis il y avait des amis ici dans l'équipe qui ont donné qui a des commentaires positifs et tout, donc il a pris la décision avec son père. Moi, ça m'est tombé dans les mains. Là, c'est comme j'ai été chanceux. Là, un peu comme Alexandre nous a tombé dans les mains après en janvier. J'ai su qu'il avait demandé son transfert à Chicoutimi. Puis il est arrivé au Cégep dans le bureau. Je m'en viens à Jonquière. J'ai mon transfert et tout. Puis est-ce que je peux intégrer l'équipe? Puis nous, ça nous a fait plaisir à ce moment-là. De l'intégrer à l'équipe, là, va batailler pour le poste de numéro 1 avec la recrue des Lynx qu'on a signé en Frédéric Clemens. Donc les deux ont l'opportunité d'avoir beaucoup de terrain. Okay. On va travailler avec les deux aussi. Là. Alexandre amène vraiment une belle dimension au niveau du sol. Nous, on est RPO, c'est Run Pass Option. Donc à chaque jeu, le carrière décide selon l'action d'un joueur défensif, si le jeu va être au sol ou s'il va garder la balle pour la lancer ou la courir. Donc je pense qu'Alexandre, à ce niveau-là, est très dangereux avec ses jambes. On va travailler un petit peu sa mécanique de lancer pour continuer son développement. Mais on pense qu'il peut rendre de précieux services aux Gaillards. Puis il y a vraiment une bonne chance d'être carrière numéro 1. La balle est dans son camp. C'est lui et Frédéric, on va rentrer une saine rivalité entre les deux. Puis c'est eux qui vont se battre pour le prochain carrière de Gaillard. Dis-moi maintenant, on va parler de Philippe Lavoie, on lui a parlé la semaine passée, équipe Canada dans le cas de Philippe Lavoie, c'est vraiment un plus, hein? Ouais, ben écoute, son CV de football était déjà très intéressant, mais là, tu sais, quand il a été cet hiver, c'était comme un match d'exhibition. C'est un match hors concours contre les États-Unis. C'était un super flatteur, c'était bien. Mais là, il va vraiment représenter le Canada au championnat du monde. Là. C'est une coche de plus. Phil est très fier, très heureux, puis on est vraiment content pour lui. Moi, j'avais écouté son match en reprise, en web streaming. Puis il a vraiment bien fait. Là. C'est pas lui qui avait été le partant, mais quand ils l'ont mis à la place de partant, il a été 2 fois meilleur. Fait que je pense que là, il a solidifié sa place pour le championnat mondial. Et écoute, Phil, avec Philippe, il n'y a aucun hasard. C'est un gars qui travaille fort à l'école. C'est un gars qui travaille fort dans le gym, qui travaille fort sur le terrain. Il a une intelligence de jeu exceptionnelle. Donc, Philippe est promu à un avenir exceptionnel. Mm. Puis, c'est un super kid. Là, fait que, il n'y a pas de doute à avoir, puis c'est vraiment quelque chose qui est le fun pour lui, qui est le fun pour l'organisation. ça prouve aux jeunes que même si t'es en division 3, ben c'est pas ça qui peut t'empêcher d'atteindre les plus hauts sommets de ton sport. Effectivement, effectivement. Donc, ça fait pas mal le tour pour ce recrutement-là. T'attends-tu à d'autres joueurs prochainement? Ouais, ben on a peut-être quelques gars qu'on travaille encore. J'ai des Français aussi. Les Français, il y a beaucoup de demandes qui ont été faites. Les papiers avancent bien aussi. Fait que je m'attends à environ terminer le recrutement avec 25 recrues là, qui vont s'en venir avec les Gaillards, qui vont s'ajouter à mes 30 vétérans. Donc, okay. Ça devrait être une autre très bonne saison pour les Gaillards en 2018. Les objectifs vont être élevés. Bon, sûrement encore une possibilité de bol d'or encore, là. On va en parler tout de suite à la première pratique de l'année, puis après ça, on n'en reparle plus jusqu'à temps qu'il faut s'y rendre. Le match le plus important va toujours être le prochain, c'est comme ça qu'on travaille. Mais oui, l'objectif de base reste le bol d'or. Après ça, ça va être de dominer, de jouer notre match à chacune des semaines, jamais prendre personne pour acquis. Puis l'important, c'est de jouer notre football et non pas s'ajuster à l'adversaire. Fait que c'est la consigne qu'on va avoir. On va avoir un excellent potentiel, un très bon club. Et ça va être à nous de le pousser pour que ce club-là atteigne son plein potentiel. Ben merci beaucoup, François. On va suivre de très, très près ce qui se passe là-bas. Puis on se rappelle. Toujours un plaisir, Dani. François Laberge, qui est l'instructeur-chef des Gaillards de Jonquière.